doucement. Les adieux. Simplement, on est malheureux à deux. Doucement, en partant. Pas de drame, charme des amours sans larmes. Et je vois. Adieu. Simplement, on change de sentiment. Doucement, comme avant. Café crème pour les amours sans je t'aime. Pas de drame, charme des amours sans larmes.